Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et nous ouvrons l'émission avec un plongeon dans le temps à l'époque où des hommes préhistoriques peignaient des scènes animales dans les grottes. Ces représentations artistiques datent de milliers d'années et pourtant, ces artistes de la préhistoire utilisaient une technique reprise par des peintres impressionnistes, c'est-à-dire la technique du pointillisme. Alors Marie-Claude Dionne va nous décortiquer tout ça. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Valérie. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de cette récente découverte d'une série de tableaux qui date de l'origine ignatien, qui a été dessinée avec une technique plus commune, disons, au 20e siècle qu'à des milliers d'années avant Jésus-Christ. La découverte a été publiée le mois dernier dans le Quaternary International et on y apprend que c'est une équipe menée par l'anthropologue Randall White de l'Université de New York qui a exploré la vallée de Vézère qu'on retrouve dans le sud-ouest de la France pour mieux comprendre l'art rupestre. Et ces chercheurs ont constaté que les hommes préhistoriques utilisaient le pointillisme, qui est une technique de gravure qui consiste à utiliser des points juxtaposés les uns à côté des autres pour créer une plus grande image. Mm-hmm. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous mettre en contexte, nous expliquer d'abord qu'est-ce que c'est l'orignacien? Oui, alors il s'agit d'une culture du début du paléolithique supérieur qu'on situe dans le temps là aux environs de 39 000 à 28 000 ans avant aujourd'hui. On la retrouve un peu partout en Europe occidentale et centrale, c'est-à-dire de la France à la Crimée, en passant par la Grèce et jusqu'à un petit peu plus au nord, jusqu'à la Pologne. Cette culture correspond à l'arrivée des hommes anatomiquement modernes en Europe et on va la rattacher à une importante industrie laitique qui est en fait de la fabrication d'outils en pierre. Mais ce qui va la caractériser le plus, c'est qu'il s'agit de la première culture à avoir laissé des traces d'une représentation figurative. Mm-hmm. On n'a qu'à penser à la grotte de Chauvet, qui est un excellent exemple de la peinture rupestre qui a été découverte au siècle dernier. Et est-ce une culture qui était particulièrement artistique? Donc, tu as évoqué la grotte de Chauvet. Je pense qu'on peut mettre la grotte de Lascaux, qui est d'ailleurs dans la vallée de la Vézère. Au même endroit, tout à fait. C'est ça. Mais est-ce qu'il y a eu d'autres manifestations artistiques de ces gens-là? On peut certainement le dire, parce que les orignaciens ont diversifié leur côté artistique, parce qu'on va retrouver plus que seulement les peintures qu'on voit sur les murs de cavernes et des grottes. Les archéologues ont trouvé dans le passé, et même à diverses reprises, des statuettes sculptées dans l'ivoire de mammouth. On retrouve des figures en ronde bosse qui représentent soit des mammouths, des félins, des ours et des chevaux, mais on a aussi des hommes comme les figurines que l'on appelle les Vénus paléolithiques. En fait, c'est des petites bonnes femmes, si on veut, qui ont une large poitrine et un large bassin. Mais il y a une autre de ces créations-là qui est assez intéressante, c'est le cheval de Vogelherde qui a une forme exceptionnellement précise. C'est vraiment magnifique. C'est toujours impressionnant de voir un tel talent, même si on a une époque qui est assez lointaine. Mm-hmm. Ces hommes du préhistorique ont aussi travaillé la roche dure en la gravant de différents animaux. Et aussi encore, il y a quelques années à peine, il y a des chercheurs allemands qui ont découvert dans une grotte du sud de l'Allemagne des flûtes. Mm-hmm. Donc, il y en avait une qui était faite à partir d'ivoire de mammouth et les autres étaient à partir d'os d'oiseaux. Et ça, c'est sans parler de tout ce qui a été découvert aussi à travers les années de parures. Ça peut être des dents animales perforées, des coquillages de l'ivoire qui ont été utilisés ou servaient d'ornement pour les hommes et les femmes orignaciens. Mm-hmm. Donc, on peut dire que c'est une culture qui est très créative. Mm-hmm. Oui, puis c'est intéressant parce que ça veut dire que les objets, en fait, n'avaient pas seulement une fonction utile. Là, ils ajoutaient quand même un aspect décoratif. Décoratif, presque symbolique aussi. Ouais. Probablement. Donc, et alors si on revient à la peinture, à quoi elle ressemblait cette peinture? La peinture qui est assez intéressante, on voit que les orignaciens ont représenté plusieurs animaux et vraiment la liste est très longue. Là, pour faire court, on retrouve des lions, des panthères, des ours, des rhinocéros et des mammouths qui sont d'ailleurs particulièrement représentés avec une intensité assez extraordinaire. On peut aussi retrouver à quelques occasions, là, mais c'est vraiment... il y en a vraiment pas beaucoup, là, mais on peut retrouver quelques humains. Par contre, c'est des peintures qui vont montrer une grande assurance et voire même un genre de raffinement qui témoigne pas d'un commencement. On a vraiment l'impression que ça fait longtemps que ces artistes-là, si on peut les qualifier de cette sorte-là, ont accumulé plusieurs années d'expérience, là, voire des décennies et des siècles. Mais ce qui peut peut-être être un peu problématique, c'est qu'encore aujourd'hui, il n'y a aucune ébauche ou aucun premier jet de ces types de peintures-là préhistoriques qui a été retrouvé. C'est ça, on n'a pas retrouvé les carnets avec les croquis. Non, exactement. Là, c'est sûr qu'on peut toujours penser qu'elles auraient peut-être été fabriquées au départ sur des supports qui sont périssables, donc éphémères, et qu'on les aurait pas retrouvées aujourd'hui. Au niveau des peintures, on retrouve aussi des empreintes de mains. On les voit souvent. On a l'image. Sont en ocre rouge. On peut aussi voir des mains qui sont en pochoir, ce qui aurait été fait en soufflant des pigments autour de la main qui est pressée contre la surface des murs. Et aussi, ici et là, on peut remarquer quelques signes qui sont plus abstraits, comme des points ou des tirets. Ce qui est intéressant, c'est que les artistes qui ont produit ces peintures-là utilisaient des techniques qui n'ont pas été retrouvées ailleurs dans l'art rupestre. En fait, dans ces tableaux-là, si on peut les appeler comme ça, ils semblent avoir été fabriqués, comme si on avait travaillé le canevas sur le mur. Parce qu'en fait, on a raclé le mur pour enlever tous les débris et les concrétions. Ce qui va laisser une zone plus lisse, donc peut-être pour la peinture de se mettre plus facilement sur les murs, mais aussi c'est que ça va changer un peu la couleur. Le mur devient plus clair, si on veut. Il y a aussi une recherche, une qualité tridimensionnelle qu'on voit comme si on voulait reproduire ou suggérer un mouvement. Et on l'obtenait par incision ou par gravure autour des contours de certaines des figures animales qu'on avait peintes. L'art des orignaciens est également exceptionnel pour l'inclusion de scènes, ou disons une mise en scène, si on veut, où on peut voir des animaux qui vont interagir les uns avec les autres. Un exemple, on peut voir deux rhinocéros hyènes qui vont se donner des coups de tête, comme si on avait un concours de force pour le territoire ou pour l'accouplement. C'est sûr que c'est des scènes qu'on voyait probablement souvent lors du quotidien des hommes préhistoriques. On devait être témoin de ce genre de scène, effectivement. Dans ce contexte, la découverte du pointillisme au sein de cette culture n'est peut-être pas tout à fait surprenante. Ils semblent quand même avoir une conception de l'art assez élaborée. Mais était-ce le premier exemplaire de cette utilisation? Est-ce qu'on avait déjà vu du pointillisme, des preuves de pointillisme ailleurs? Est-ce qu'on la retrouve aussi par la suite chez d'autres cultures qui ont suivi les Aurignaciens? Tout d'abord, c'est sûr que les Aurignaciens étaient des hommes et des femmes sensibles à l'art, si on veut. On vient de le voir, c'est des grands techniciens, puis sont fort minutieux. L'équipe de Randall Waite a découvert un autre exemplaire de ce pointillisme-là, de cette gravure-là, en début d'année 2017. Elle a été trouvée à l'abri Blanchard et elle représentait une vache sauvage. Et là, celle qui a été découverte plus récemment est à quelques lieues à peine de la première découverte. On l'appelle, c'est l'abri Cellier. Pour l'instant, il s'agit des deux seules découvertes de ce genre-là. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas caché ailleurs. Ce qui a été découvert se retrouve à être sur une des 16 tablettes qui étaient gravées. On y a représenté un mammouth en une série de petits points gravés sur la roche, sur le calcaire. Si on regarde rapidement, on a l'impression qu'elle a été gravée à moitié parce qu'on voit l'emphase, disons, est sur le corps ventru, sur une immense patte et la tête de l'animal avec une trompe légèrement courbée vers le haut. Mais quand on porte une attention plus particulière au rebord du bloc de pierre de calcaire, là, on peut s'apercevoir qu'il représente à merveille le dos de l'animal puis aussi le haut du crâne du mammouth. Donc, le calcaire a été travaillé pour être plus conforme à la réalité du corps de l'animal. Et ce qui va arriver, ben, c'est qu'on voit réapparaître, si on veut, le pointillisme, mais longtemps et longtemps, longtemps après. et probablement que les hommes du 19e siècle connaissaient même pas l'utilisation préhistorique. Mais cette technique-là, elle est mise en œuvre à la fin du 19e siècle par Georges Seurat, mais elle n'est pas utilisée en tant que gravure, mais plutôt en tant que peinture. Oui, c'est ça. Où on juxtapose différents points de couleur sur le canevas pour y dépeindre une plus grande image ou une plus grande scène. Et c'est une technique qui va être aussi là, qui est utilisée par Van Gogh. Donc, c'est quand même curieux parce que c'est à des millénaires de distance, il y a des artistes qui ont eu la même idée. Oui, tout à fait. C'est fascinant. Merci beaucoup, Marie-Claude. Merci. On va faire une pause musicale sur CKRL au 89.1 et au retour, on vous parle de l'épidémie d'Ebola.